mère. Oh. Interception. Merci. Si je t'attaque, c'est que tu l'as mérité. Je prends le contrôle, gère la sono. J'augmente les hommes et le PIB. Je fuse les marines, je les dessine. Au fusant, j'ai projeté d'être évité. N'attends pas que j'insiste, hein. Toi t'es déboussolé, faut-il qu'elle le paye. On l'a pris comme un signe, tu me répètes, faut que j'avise, hein. Ya, ya, ya, comment soigner coup de cœur. Autant se noyer dans la queue pour risquer de côtoyer le fleur. Wow, je peux apaiser coup de foudre, vision troublée, tout est flou. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. Quand nos regards se croient, je deviens libre de toi. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. N'a pas tort, mon cœur est minable. Je veux pas tomber dans le piège. Je vais pas miser une pièce sur toi. Baby, je veux pas tomber dans le piège. Je vais pas miser une pièce sur toi. Ya, ya, ya. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. Quand nos regards se croient, je deviens libre de toi. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. Ma maison n'a pas tort. Interception. C'est un sorti embouteillage sur la FM. Sur les ondes. Drapeau technique, mon flow est prêt. Pour tes états, on les donne. Je vais manipuler les messages sur mes MP. Je le compte. Je fais la oh, je gueule. Et le compte. Je parle de sujets sérieux. 2018, y'a plus tolérance. Je fais un métier perdu. D'ailleurs, depuis, j'ai moins de connaissances. J'ai de la culture. Ma mère, ma team, moi et ma gueule. J'ai vite sorti les parasites, ma life comme un pirateur. Flow, flow, codeine. Flow, flow, protéine. Mon flow est trop chaud, mon flow faut le rembobiner. Flow, flow, codeine. Flow, flow, protéine. Mon trop chaud, mon flow faut le rembobiner.